notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Notre Dieu est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Je parle à une femme dont le mari est parti de la maison, ça fait 5 ans. Oui, crois à la puissance divine. Il y a une femme, il y a quelqu'un qui a fait des fétiches pour envoûter ton mari. Je déclare que la puissance de Dieu va neutraliser ce fétiche et ton mari reviendra à la maison et tu confesseras, tu glorifieras l'Éternel. Ne baisse pas les mains parce que ton Dieu tout-puissant, réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Apocalypse 2, 1 à 7. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Notre passage d'aujourd'hui, c'est Apocalypse 2, 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Nous allons partager 3 vérités importantes tirées de ce passage. Voici la première vérité concerne les éloges de l'église d'Éphèse. Et ces éloges nous montrent la mission de l'église aujourd'hui. Il y a environ 7 choses que l'Église devrait pratiquer. Il est dit au verset 1, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. L'ange ici, c'est le responsable. Le mot ange veut dire aussi en grec messager. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. Je connais tes œuvres. Premièrement, les œuvres. L'Église doit pratiquer les bonnes œuvres. Il y a d'abord les œuvres de la vie chrétienne, les œuvres de la marche chrétienne, les œuvres de justice. Nous devons aussi pratiquer les œuvres sociales. Vous voyez? Deuxièmement, il dit, je connais ton travail. Le travail ici, c'est que nous devons nous engager résolument dans le service de Dieu. Nous devons servir le Seigneur. Nous travaillons pour Dieu. Je veux parler à quelqu'un. C'est lui qui t'a appelé, ce n'est pas un homme. Celui qui t'a appelé au ministère, c'est Dieu. Tu travailles. Alors, tu dois travailler de mieux en mieux. Cette église, il y avait des gens qui travaillaient. C'est pourquoi le Seigneur dit, je connais ton travail. Troisième chose, c'est la persévérance. Nous devons persévérer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons persévérer dans notre marche chrétienne et non régresser. Il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé, mais ils n'ont plus de persévérance. Ils ont régressé dans la foi chrétienne. Nous devons persévérer. Quatrième chose, nous ne devons pas supporter le méchant. Dans nos églises, parfois, il y a des méchants. Les méchants, il y en a 2 catégories. D'abord, la première catégorie, ce sont ces gens-là que l'ennemi envoie. Ils ne connaissent pas le Seigneur et ils font semblant de les connaître. Mais ils sont des envoyés du diable. ils viennent pour déstabiliser l'Église. Et ce sont des gens-là que nous ne devons pas supporter, dans ce sens que nous ne devons pas les promouvoir en leur accordant des responsabilités parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des moyens, vous voyez. Cinquièmement, nous devons éprouver ceux qui se disent serviteurs de Dieu. L'Église d'Éphèse avait ce discernement. On dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui mentent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent, qui s'autoproclament pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. Mais parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont des menteurs. On va les reconnaître par leurs œuvres. Et il faut qu'au niveau de l'Église, nous exercions ce discernement. Au niveau même des chrétiens, au niveau même toi qui m'entends aujourd'hui, et garde-moi bien, il y a quelqu'un qui est venu te demander l'argent. Il a dit, Dieu lui a révélé qu'il y a un esprit de mort chez toi et il t'a demandé une offrande d'1 million. C'est l'un des signes des gens qui sont dans les faux. Est-ce que tu comprends? Il faut savoir éprouver. Tu ne dois pas te laisser intimider par quelqu'un qui te dit, oui, Dieu m'a fait des révélations, il faut que je prie pour ta délivrance, il faut que tu donnes tel montant. Non, ça ce sont des gens qui se disent apôtres, qui se disent pasteurs, mais qui mentent. Ils sont là pour prendre l'argent d'autrui. Donc, il faut avoir le discernement. L'Église ou les chrétiens doivent apprendre à persévérer, surtout dans les contextes de la souffrance, de la persécution, comme ce fut le cas des chrétiens du premier siècle. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas prêts lorsqu'ils connaissent la souffrance. Je vais parler à une sœur. Depuis que tu t'es converti, tu as renoncé à un monsieur qui était ton amant. Et maintenant, tu commences à dire, vraiment, depuis que j'ai renoncé, ça devient difficile pour payer la maison. Je vais te dire que c'est une épreuve temporaire. Lorsque le Seigneur va voir que tu vas persévérer dans la foi, malgré les difficultés que tu connais, le Seigneur va pourvoir à tes besoins. Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ton Père les nourrit. Je vais parler à toi qui est rejeté par ta famille parce que tu confesses Jésus, parce que toute ta famille, les gens sont d'une autre religion. Oui, ils te persécutent moralement. Ils t'ont rejeté. Mais je vais te dire que Jésus est avec toi. Persévère dans la foi. Tu vas triompher. Et toute ta famille viendra à Christ quand ils vont voir ce que le Seigneur fait dans ta vie. Septièmement, l'Église doit éprouver. L'Église doit combattre les hérésies ou les fausses doctrines. C'est ce qui est montré ici au verset 6. Il dit, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Les Nicolaïtes étaient une secte qui donnait un mauvais enseignement sur la grâce de Dieu. Ils montraient que la grâce de Dieu, c'est une occasion aux chrétiens de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils pervertissaient la grâce en le motivant dans la méconduite sexuelle. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens qui donnent un mauvais enseignement à la grâce de Dieu. Nous sommes dans la grâce. Paul a dit, demeurerons-nous dans les péchés parce que la grâce de Dieu est là. Non, la grâce de Dieu n'est pas synonyme de libertinage. C'est ça, les mauvaises doctrines. Elles sont beaucoup légion dans nos églises aujourd'hui. Il faut que nous puissions dénoncer les fausses doctrines. Deuxième grande vérité, c'est le reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses dans le Seigneur, mais ça peut être de manière mécanique. Tu t'en vas à la messe chaque dimanche, tu t'en vas au culte, tu fais la répétition des chorales, tu diriges les cultes, tu fais beaucoup d'autres choses. Mais l'amour que tu avais, le zèle que tu avais là, lorsque tu t'es converti, tu as abandonné. Et le Seigneur reproche encore à toi qui m'entends. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le premier amour pour Jésus se caractérise d'abord par un zèle pour lui, un zèle pour la prière. Oui, on est rempli de l'amour pour les âmes perdues. On va évangéliser. Lorsqu'on a le premier amour, on aime obéir au Seigneur. Jésus pouvait dire, celui qui a mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Quand tu commences à tolérer les péchés dans ta vie, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu comprends? Alors le Seigneur dit, quelle est la solution? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire que quelque part, ça commence par un péché. Un jour, peut-être que tu as été déçu par quelqu'un. Peut-être qu'un jour, tu es tombé dans l'immoralité sexuelle. C'est à partir de ce jour-là, tu as ouvert une porte à l'ennemi. On dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Lorsque tu reconnais là où tu es tombé, deuxièmement, il dit, répands-toi. C'est repentir, c'est-à-dire tu vas demander pardon, Seigneur. Il y a des péchés qui demandent même que tu cherches un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, pour qu'il puisse prier pour toi. Et tu dois reconnaître. Je vais parler à toi, les blocages que tu connais. Regarde, tu évolues bien au niveau de ton travail. Mais depuis un moment donné, dès que tu t'es compromis avec ta secrétaire, tu sais ce que tu as fait. Tu as commis des abominations au niveau de ton bureau. Dans ton bureau, ça a irrité Dieu. Donc souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi, reconnais ça, demande pardon. Troisième chose, et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire les choses que tu faisais là, que tu as abandonné. Je parle à quelqu'un. À un moment donné, tu étais zélé, tu donnais pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu étais régulier dans la dîme, dans les offrandes. Mais à un moment donné, ton argent, tu ne donnes plus à Dieu, tu ne donnes plus aux hommes que Dieu t'a montré. Tu fais autre chose. Vous voyez, ça crée un blocage au niveau de tes finances. Pratique tes premières œuvres. Et le Seigneur dit, sinon j'ôterai ton chandelier du milieu de toi. Troisième chose, c'est la promesse. La promesse, il dit, celui qui vaincra, verset 7, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie et qui est dans le paradis de Dieu. Vous voyez, il est toujours question de la victoire. Ça montre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Et dans ce combat-là, tu es déjà du camp de vainqueur. C'est-à-dire, tu dois vaincre en Jésus-Christ. Il dit, à celui qui vaincra, il y a un combat, mon frère. Il y a un combat, ma sœur. Un combat contre les forces sataniques, les puissances diaboliques. Un combat contre la chair même qui est en toi. Un combat contre le monde. Regarde tout ce que le monde nous présente aujourd'hui. Ne suis pas ce que les autres te disent. Il y a beaucoup de gens qui suivent le monde. Mais toi, tu dois combattre jusqu'à la fin. C'est lui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Vous voyez, l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça nous ramène au paradis. Il y avait l'arbre de vie. Mais ici, il fait allusion à la nouvelle Jérusalem. Lorsque Jésus reviendra, nous allons trouver, nous aurons part à cette vie éternelle qui est la dernière étape où nous attendons Christ pour vivre éternellement avec lui, où nous allons nous réjouir éternellement dans sa présence. Oui, toi qui souffres, voyez une telle promesse. Quand Jésus viendra, il va te donner la vie, il va te donner la réjouissance. Tu vas vivre éternellement avec lui. Tu vas oublier tes souffrances. Tu vas oublier tes difficultés. Tu vas vivre dans sa présence éternellement. Et tu vas régner avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer en chantant ce chant. Tu vas louer Jésus, le roi des rois. Celui qui est mort. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, vivre mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, vivre mon être sauveur, Jésus. Et mon libérateur. Doué, doué, doué. On s'abaisse pour Jésus, le roi des rois. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Qu'il est juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer. est ton sauveur, Jésus, des grands libérateurs. Nous louons Jésus, le roi des rois, celui qui a donné sa vie pour nous racheter. Louons-le, louons-le, louons-le, louons-le, dansons pour lui. Juste et bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Qu'il est juste et bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être au sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être au sauveur, Jésus, le grand libérateur. Ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livré mon être au sauveur, Jésus. Gloire à Jésus, élève ta voix, bénis le Seigneur pour sa parole et pour ses promesses. Te bénissons, éternel notre Dieu, toi qui as préparé de bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Sois béni, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi qui nous as sauvés par Jésus. Merci, toi le Dieu qui nous aide à avoir la persévérance dans la marche avec toi. Sois magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous soutient et qui nous donne le discernement nécessaire afin que jour après jour, nous puissions marcher avec toi et dans la puissance du Saint-Esprit. Merci au Seigneur de nous aider à refuser tout ce qui ne te glorifie pas et à nous attacher entièrement à toi. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu qui revient bientôt. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir plusieurs vérités dans ce passage. En tant qu'Église, nous devons produire de bonnes œuvres. Nous devons travailler pour le Seigneur, persévérer. Nous devons éprouver ceux qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui mentent. Persévérer dans la souffrance, combattre les fausses doctrines. Nous allons prier. Nous allons prier aujourd'hui pour que Dieu nous donne le discernement afin que nous puissions détecter qui sont le faux pasteur, le faux prophète qui s'infiltre aujourd'hui. Et nous allons prier. Peut-être que toi-même tu es victime. Tu as un parent, tu as un frère, une sœur qui est victime de faux pasteurs, de faux prophètes. Tu vas prier pour que le Seigneur te délivre de leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, en ces temps-ci, nous remarquons qu'il y a de faux prophètes parmi nous, de faux pasteurs. Seigneur, qui ne parlent que d'argent. Ils font profession de te connaître, de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Cher Saint-Esprit, ils sont nombreux, ceux-là, qui utilisent le nom de Jésus-Christ en vain. Beaucoup de nos sœurs, beaucoup de familles sont victimes de leurs actes ignobles et ont été grugées. Donne à ces personnes de se connecter à l'Esprit, à la parole de foi, à la parole de Dieu, de se connecter aux vraies communautés, aux vrais serviteurs, car il y en existe. Père, nous prions que tu les aides à revenir à toi. Nous prions que leurs œuvres soient mises à nu. Nous prions que, Père, on voit la différence entre ceux qui te servent, qui ont ton esprit, et ceux qui ne te servent pas. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de faire une œuvre merveilleuse dans la vie de quelqu'un, afin que joie, gloire, honneur soit à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Amen. L'une des choses aussi que nous devons faire, c'est que nous devons combattre les fausses doctrines, telle la doctrine des Nicolaïtes, qui enseignait que la grâce de Dieu était comme le libertinage qui permettait aux gens de pécher. Il y a beaucoup de doctrines aujourd'hui qui insistent sur la prospérité, l'élévation, qui ne veulent pas parler de repentance. Tu vas prier le Seigneur qu'aujourd'hui dans l'Église, nous puissions combattre toutes ces hérésies qui égarent les peuples de Dieu. Et toi-même, tu vas prier pour que le Seigneur t'aide à connaître en profondeur la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous voulons te dire merci ce matin, notre Dieu, notre Père, car tu viens bientôt pour prendre ton Église, ton peuple, tes enfants, tes rachetés. Et nous voulons te prier, notre Dieu, notre Père. Nous sommes plusieurs. Nous prions que l'Église soit nettoyée, l'Église soit purifiée. Nous avons des faux enseignements, nous avons des hérésies, nous avons des messages qui ne font que stimuler, encourager les gens à s'aimer, les gens à donner, les gens à parler de prospérité et ne plus parler de sanctification, ne plus parler de repentance, ne plus parler de la crainte de Dieu, ne plus parler, notre Dieu, notre Père, de lire ta parole. Seigneur, à qui irons-nous? Vers toi qui as les paroles de la vie éternelle. Que ton esprit agisse, que ton esprit intervienne, que ton feu soit allumé dans ta maison, que ta parole qui est l'épée de l'esprit, soit enseignée avec puissance, avec autorité. Notre Dieu, notre Père, suscite des hommes que tu as choisis, que tu as mis à part pour enseigner ta parole, pour prêcher ta parole, pour encourager ton peuple, pour amener le peuple à la repentance, à la sanctification, à l'évangélisation, à la crainte de Dieu. Sois béni ce matin. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir le reproche que Dieu fait à son Église. Abandonner son premier amour. Peut-être que toi-même aussi, tu as abandonné ton premier amour. Tu as connu des difficultés. Tu as perdu un parent. Tu as perdu ton mari. Tu as perdu un être cher. Tu as béni ton emploi. Tu as perdu ton emploi. Et depuis lors, tu n'as plus les mêmes ailes. Tu vas seulement à l'église comme par formalité. Prie pour que Dieu te renouvelle ton premier amour. Demande-lui pardon là où tu es tombé. Et demande à Dieu de t'aider à pratiquer tes premières œuvres. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Gloire, gloire, gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ce matin, merci parce que quand nous étions morts et que tu nous as appelés dans ta bergerie, tu nous as appelés à venir à toi, nous étions engagés, nous étions déterminés, nous étions zélés pour te servir avec amour. Nous faisons l'œuvre, nous étions des évangélistes, nous étions des gagneurs d'âmes, nous étions à l'intercession, nous étions appelés, oui, à l'ordre dans le comité, dans les comités de l'église, et ton œuvre était réellement une charge pour nous. Merci papa, parce que ce temps-là, Seigneur notre Dieu, tu nous bénissais, tu nous appelais fils et filles. Aujourd'hui nous-mêmes, nous avons été certainement bénis et nous sommes détournés de toi. Papa, aujourd'hui, beaucoup sont découragés parce qu'il y a eu une tribulation, il y a eu une épreuve, il y a eu une, Seigneur notre Dieu, un relâchement. Et puis, papa, ils ont abandonné leurs premières œuvres, ils ont abandonné leurs premiers amours. Père, toutes ces personnes sont devant toi, sont devenues presque religieuses. Je voudrais m'associer à elles pour revenir à toi. Sanctifie-les, libère-les de l'esprit de religiosité, libère-les de l'esprit de manque de foi, d'incrédulité, et appelle-les à la repentance, et appelle-les à un nouveau zèle, au zèle, Seigneur notre Dieu, de voir des âmes être sauvées, et que ces personnes reviennent au service. Béni sois-tu, louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous de ce dimanche 24 janvier. Dans le cas de bonheur conjugal, nous aurons la rencontre des célibataires à l'auditorium des écoles méthodistes en face des chutes de Cocody. Nous allons commencer cette rencontre à 16h. Lève-toi, viens prendre possession de ton mariage. Nous aurons notre sœur chantre Maïka Moukeba. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. À demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.